Le pasteur, il a salué tout le monde. Il a salué tout le monde. Donc, tu ne savais pas qu'il était là. Le pasteur, il est celui qui va prêcher ce soir. Ma Bible est où? Oh, votre bonsoir. Tu étais où depuis? Oh. C'est le pasteur, il est là-bas, là, tu vois le pasteur, il est là. Tu étais occupé. Okay. Thank you.